s'est arrêté, nos cœurs synchronisés. Je veux m'envoler, le sablier s'est brisé. Dans tes yeux que je veux m'évader. Antalya et Bodrum, Sunis et Bayulam. Bébé, je t'aime encore, j'ai pas de problème.